Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, première partie, chapitre 3 du troisième traité, quatrième paragraphe. Humilité de Marie. Il y a un grand nombre de vertus alliées à la tempérance, ou qui en dérivent. Il faut en dire autant des autres vertus cardinales, ainsi nommées précisément, parce qu'elles sont comme les gonds, cardines, sur lesquels sont appuyées beaucoup d'autres vertus. Marie assurément les possède à toutes à un degré héroïque, mais, comme je l'ai dit ailleurs, je ne prétends pas traiter de chacune, car je n'en finirai pas. Toutefois je ne puis me dispenser de dire un mot sur l'humilité, vertu qui se rattache à la tempérance et lui est intimement unie. L'humilité, comme tout le monde le sait, est une des vertus les plus nécessaires à la perfection chrétienne et elle est comme le fondement de toutes les autres. Et saint Augustin dit que l'édifice de la perfection ne peut s'élever qu'en proportion de la profondeur des fondements de l'humilité. Celui qui prétendrait élever un édifice, sans en poser d'abord les bases, travaillerait en vain. Il en est de même de celui qui voudrait amasser des vertus sans l'humilité. J'ose dire, c'est saint Pierre d'Amiens qui parle, que même la pureté virginale de Marie, séparée de l'humilité, n'eût pas été agréable à Dieu. La virginité de Marie plut sans doute au Seigneur, mais sa profonde humilité lui plut davantage encore. Ce fut elle, selon saint Bernard, qui attira dans ses chastes flancs le Verbe divin. Connaît-on la profondeur de l'humilité de Marie? Ô Dieu, parmi les pures créatures il ne s'est pas trouvé d'humilité semblable, dit un savant auteur. Je ne voudrais cependant pas que quelqu'un s'avisât de croire que Marie, par humilité, méconnut les dons qu'elle avait reçus de Dieu, qu'elle se regarda comme une pécheresse, et la plus grande de toutes les pécheresses. Loin de la très sainte Vierge de semblables pensées, nous nous trompons souvent dans l'idée que nous nous formons des vertus. Ainsi nous prenons parfois pour humilité ce qui n'est que pusillanimité, ce qui ne sert qu'à favoriser l'ingratitude envers Dieu, comme de fermer les yeux sur les faveurs célestes. Erreur funeste. L'humilité, c'est la vérité, disait sainte Thérèse, et avec raison. L'humilité d'une créature, quelle qu'elle soit, consiste précisément à distinguer quel est l'auteur de tout bien, et à qui doit en revenir la gloire. Marie reconnaissait les grandes choses que Dieu avait opérées en elle, et son cœur pénétré de reconnaissance en rendait gloire à Dieu. Luc 1, 49. Comment en effet aurait-elle pu l'ignorer? Elle avait sans doute reçu entre autres grâces celle de discerner les dons surnaturels. Pour nous, disait saint Paul, nous n'avons point reçu l'esprit de ce monde, mais l'esprit de Dieu. Mais pour quelle fin? Dites-le-nous, ô grand apôtre. C'est afin que nous sachions les dons que Dieu nous a faits. 1 Corinthiens 2, 12. Quelle pouvait donc être l'humilité de Marie, supposée qu'elle connût les étonnantes merveilles que Dieu avait opérées en sa faveur, la dignité suréminente à laquelle il l'avait élevée? Cette connaissance paraît incompatible avec une humilité profonde. Elle vous paraît incompatible, et moi je dis, au contraire, que l'humilité ne paraît jamais plus héroïque qu'au milieu des honneurs. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est une réflexion fort juste de saint Bernard, homélie 4 super missus est numéro 9, d'être humble, lorsqu'on est plongé dans l'abjection. La grandeur de la vertu se montre, quand on sait conserver l'humilité même au sein des honneurs, et cette humilité sublime, extraordinaire, et justement celle qui brilla dans Marie et la rendit si chère aux yeux de Dieu. Marie connaissait les grâces qu'elle avait reçues, mais elle les tenait pour reçues, elle savait, en d'autres termes, qu'elles lui avaient été gratuitement départies par ce Dieu qui n'est pas moins jaloux de sa gloire que prodigue de ses dons. Isaïe 42, 8. Elle savait qu'en proportion que les faveurs célestes se multiplient, nos dettes s'accroissent envers la divine majesté, que la créature n'a point sujet de s'enorgueillir d'avoir beaucoup reçu, mais qu'au contraire elle n'en doit que s'humilier davantage, à cause de la somme plus considérable des dettes qu'elle a contractées. Malheur à celui qui voudrait usurper, s'attribuer à lui-même ce qui appartient à Dieu. Malheur encore à celui qui par sa faute laisse languir dans l'inaction la grâce que Dieu lui a faite. Marie savait bien toutes ces choses, et plus elle se voyait ornée de grâce, plus elle s'abaissait, plus elle se montrait avide d'occuper le dernier rang, rendant à Dieu seul la gloire et l'honneur de tout bien, ayant en horreur tous les genres de distinction qu'elle aurait pu recevoir des créatures, aimant au contraire de paraître vile et abjecte, je dirais même immonde. Comme on le voit dans la cérémonie de sa purification, elle ne rougit pas, non seulement de manifester sa pauvreté, en se contentant de faire l'offrande de deux pigeons, selon l'usage des personnes de la dernière condition, mais même de paraître impure et souillée. Elle se présente pour être purifiée comme les mères communes, sans s'inquiéter si elle sera réputée telle, pourvu qu'elle conserve intacte la blancheur de son lys virginal, qui n'est connue que de Dieu. Elle savait fort bien, et mieux que ne le savait saint François d'Assise, que nous ne valons que ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Elle savait fort bien, depuis le moment de l'incarnation du Verbe, que le Fils qu'elle devait mettre au jour, était le Fils unique et naturel de Dieu. Néanmoins on ne sache pas qu'elle en ait jamais parlé à personne, et j'aime à croire que la divine majesté ne voulut point employer Marie aux fonctions apostoliques, du moins en public, uniquement pour ne pas faire violence à son humilité, pour ne pas la forcer de déclarer, ne fût-ce qu'indirectement, qu'elle était mère de Dieu, chose qu'elle évita souverainement. Considérez en effet la bienheureuse Vierge dans la ville de Bethléem, son époux cherche un logement, et il n'en trouve point, il demande, et il est rebuté. Marie ne pouvait-elle pas alors s'adresser à quelqu'un des moins irréligieux parmi les hôteliers et lui faire connaître le fruit qu'elle portait dans son sein? Elle n'aurait pas manqué de trouver un logement convenable dans une cité fidèle. Mais non, elle ne voulut point le faire. Et comment l'eût-elle fait? Elle aurait dû découvrir qu'elle était la mère du Messie tant désiré. À cette déclaration lui eût trop coûté avec les sentiments d'humilité qu'elle nourrissait dans son cœur. Qu'avons-nous cependant à nous étonner de son silence en cette occasion, puisqu'elle garda le secret même avec son chaste époux Saint Joseph? J'avoue que ce trait de la vie de la très sainte Vierge me remplit d'étonnement chaque fois que je m'arrête à le méditer. Tout le monde sait les angoisses auxquelles Saint Joseph fut en proie, quand il s'aperçut de la grossesse de Marie. Je n'examinerai pas ici combien elles furent terribles et embarrassantes, j'aime mieux laisser ce point aux réflexions d'un chacun. Ô Dieu! Un tendre époux voir son épouse vierge dans cet état, la plus aimante et la plus fidèle des épouses repasser dans son esprit les soupçons affreux qui peuvent s'élever dans l'esprit de son époux. Quel tourment pour ces deux cœurs, je ne saurais dire lequel des deux dut être le plus affligé. Au cœur souffrant de Marie, vous en coûtait-il tant pour vous tirer, vous lui, de cette cruelle perplexité? Vous en coûtait-il tant d'avouer avec confiance que vous étiez enceinte par l'opération du Saint-Esprit, que vous étiez précisément cette Vierge de la maison de David, prédite depuis longtemps par Isaïe, laquelle devait concevoir et enfanter un fils, qui serait appelé Emmanuel. Les Écritures à la main, moyennant l'intelligence parfaite que vous en aviez, il ne vous était pas difficile de démontrer que les semaines de Daniel touchaient à leur terme, que le moment si vivement attendu de la descente du Fils de Dieu sur la terre était venu, que vous étiez la mère de Dieu. Je sais que de saints personnages se permirent de faire longuement l'apologie de leur conduite, quand ils prévoyaient qu'elle pourrait être jugée défavorablement. Ainsi firent Samuel, Job, Judith. Pourquoi donc ne l'avez-vous pas fait aussi? Il faut toujours en revenir à ceci, Marie devait dire qu'elle était mère de Dieu. Cette déclaration était si pénible à son humilité, qu'elle aima mieux s'exposer pour un temps à la confusion, à l'opprobre, aux soupçons d'infidélité, d'adultère, si toutefois ce soupçon put tomber dans l'esprit de son époux, ce que je ne crois pas, plutôt que de manifester ce qui pouvait, ce qui devait faire rejaillir sur elle tant d'honneur. Ô exemple sublime de l'humilité la plus héroïque! Après cela je ne m'étonne aucunement en voyant tant d'autres actes d'humilité pratiqués par Marie. Je ne m'étonne point de la voir passer sa vie dans la retraite, tandis que Jésus était applaudi, et s'exposer au contraire à la vue de tout le monde sur le sommet du calvaire, pour y être montré au doigt comme la mère d'un malfaiteur. De la voir encore, après l'ascension de son divin Fils au ciel, siéger à la dernière place dans le cénacle, comme si elle eût été la dernière des fidèles qui s'y trouvaient rassemblés. Mais je ne m'étonne pas non plus que Dieu l'ait comblée de grâce plus qu'aucune autre créature. Il ne pouvait en être autrement. On sait que devant Dieu celui qui se regarde comme le dernier sera élevé au premier rang. Saint Bernard Sermon infra-octave Assomption numéro 11. Ô Marie, d'où vient une si profonde humilité? Ah, vous avez été digne d'attirer les regards du Très-Haut, de ce Dieu qui regarde de près les choses humbles. Vous avez été digne d'être désiré ardemment par le Roi de gloire. L'odeur suave de votre humilité a attiré du sein de son Père le Verbe divin, pour qu'il vînt s'incarner dans vos chastes entrailles. Oui, le Verbe éternel a regardé votre humilité, c'est elle qui a gagné son cœur. Note. Nous ferions volontiers sur ces paroles une réflexion, quoiqu'elle puisse paraître ici un peu hors de propos. La très sainte Vierge, pour s'abaisser le plus qu'elle peut devant la divine majesté, dit que Dieu a regardé sa bassesse, Luc 1, 48. Elle se garde bien de dire que Dieu a jeté les yeux sur une pauvre pécheresse, sur une créature souillée, sur une créature qui avait été son ennemi, esclave du démon, etc. Donc elle ne pouvait rien dire de cela sans blesser la vérité. Donc, je conclus, elle fut conçue sans la tache du péché originel, car autrement elle aurait fort bien pu s'appeler une pauvre pécheresse, et, si elle l'avait pu, elle l'aurait fait, sans aucun doute, vu sa profonde humilité. Fin de la note. Ô béni soit l'humilité de Marie qui a réparé les désastres causés par l'orgueil d'Ève. Mais maudit soit mon orgueil, qui s'oppose sans cesse à l'œuvre de mon salut. Ô ma mère, se peut-il que vous soyez si humble, et moi si orgueilleux? Je rougis de paraître devant vous, j'ai honte de me dire votre enfant, votre serviteur. Faites, je vous en prie, que la confusion que j'éprouve serve à m'humilier un peu. Obtenez-moi une grâce si puissante qu'elle terrasse mon orgueil, qu'elle soit le fondement de toute autre grâce, le principe d'une vraie et solide perfection, comme celle qui convient à celui qui aspire d'être appelé votre enfant. Markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.